Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 13. Si tu nous rejoins pour la première fois, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 4 septembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es roi mage, tu es Père Noël, tu es pochette surprise, tu es plaisir d'offrir, mais tu es aussi joie de recevoir. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es paquet cadeau. Ce week-end, la course aux cadeaux de Noël commence avec la première ouverture dominicale des grands magasins. Tout est prêt, la foule déboule sur les grands boulevards de France et de Navarre. Alors, à l'heure où nous entrons dans une période frénétique d'achat, qu'est-ce que signifie réellement faire un cadeau ? Eh bien, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais décalée. Pour commencer, quels sont les différents types de cadeaux ? Tu vas voir, il arrive parfois que certains d'entre eux puissent être gênants. Quels sont les cadeaux qu'aimerait recevoir Nadine de Rothschild pour Noël ? Interview exclusive tout à l'heure. Ensuite, tu découvriras quels sont les cadeaux que président Chirac a reçus mardi dernier pour son anniversaire. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude ont vécu hier après-midi leur première virée dans les grands magasins pour débuter leur course de Noël. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Whiz! To be alive. Born to be alive. Né pour être vivant, l'unique tube de Patrick Hernandez en 1979. Mais parfois, un unique tube, ça suffit. Avec Born to be Alive, Patrick Hernandez a vendu 22 millions de disques et on lui a offert plus de 50 disques d'or dans le monde. Un vrai cadeau, quoi. Alors, tu l'as compris, cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es généreux, tu fais des cadeaux. Ça tombe bien, ce week-end, c'est le Téléthon et dans 3 semaines, c'est Noël. Ainsi, pour commencer notre exploration de cette période hallucinante de Noël, où on te comble de présents, faisons un petit tour vers le passé. Tout d'abord, qu'est-ce que le don ? Le don, ce n'est pas simplement le plaisir d'offrir, ce n'est pas un acte généreux dans le seul but de faire plaisir à l'autre. Le don est une chose beaucoup plus complexe. Il est à la fois symbole et classeur social. Il est surtout un outil de distinction. Ce que tu offres marque toujours ta position sociale, réelle ou souhaitée. En 1924, Marcel Mauss, dans son essai sur le don, a montré que le don, plus que le troc, est à la base du lien social. Donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Nos sociétés modernes sont donc basées sur le don. Le don comme moyen d'assurer et d'affirmer sa position sociale comme un marqueur symbolique. Mais le don entraîne invariablement l'attente consciente ou inconsciente d'un contre-don. On parle d'ailleurs d'échange de cadeaux. Tiens, je vais te donner un exemple qui prouve que le don n'est pas que générosité et qu'il attend un retour. Écoute bien ce document patrimonial des années noires le 17 juin 1940. En fait, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Je fais don de ma personne à la France. Le vieillard Philippe Pétain a le sens de la formule après la défaite de 40 contre l'Allemagne nazie. La France, elle, a reçu ce don en pleine tête et elle l'a bien payé en retour. Poursuivons notre réflexion sur les grands cadeaux de ces dernières années. Certains furent authentiquement généreux. Tiens, dans le genre cadeau altruiste, les Français font parfois preuve de grande générosité après avoir écouté la radio durant ce terrible hiver 54. Venez nombreux, venez tous, donnez tout ce que vous pouvez, que demain il n'y ait plus un seul sans logis en France et qu'alors nous puissions nous tourner vers les autres sans logis du monde et aller à leur tour leur porter l'espérance. Merci. En janvier 54, l'abbé Pierre a lancé son appel après avoir appris qu'une femme était morte de froid, boulevard Sébastopol, avec, dans la main, le papier l'expulsant de son logement. À peine quelques jours après cet appel, ce sont des mètres cubes de couvertures et de vêtements qui s'entassent. Les dons de milliers de particuliers ont alors permis en partie de pallier au manque de logements sociaux. Beau cadeau, généreux. Mais à côté des cadeaux utiles, comme en 1954, il y a des cadeaux qui s'avèrent parfois plus encombrants qu'autre chose. Et nous allons t'en donner quelques exemples. Ainsi, le 10 octobre 1979, le Canard Enchaîné révèle que ton président Giscard a reçu de Bokassa, l'empereur fou furieux de Centrafrique, des diamants en cadeau. Histoire obscure encore aujourd'hui, Giscard a-t-il réellement reçu les diamants ou pas ? Peu importe, car l'affaire, elle, a bien eu lieu. Pour y voir plus clair, nous avons retrouvé ce qu'en disait le ministre des Affaires étrangères de Centrafrique, M. Sylvestre Bangui, le 23 octobre 1979. Écoutons Bangui. Sur cette affaire de diamants, je vous dirai tout de suite que M. Bokassa est un roublard. M. Bokassa a été successivement président de la République, président à vie de la République, maréchal et empereur. Mais qui dit maréchal dit bâton de maréchal. Et vous savez que le bâton que Bokassa a en ce moment, de son maréchal-là, est un bâton qui est plein de pierres précieuses. Et vous savez aussi que les joyaux impériaux, en passant par la couronne, le sceptre, l'épée et le diadème de l'impératrice, ce sont également des joyaux qui sont pleins de pierres précieuses. Plein de pierres précieuses, l'affaire des diamants a fait beaucoup de mal à président Giscard face à Mitterrand en 81. Oui, vraiment, il est des cadeaux que l'on aimerait ne jamais avoir reçus, de vrais cadeaux empoisonnés. Est-ce que Roland Dumas savait que les objets d'art n'étaient pas cadeaux de sa maîtresse, mais cadeaux de la société Elf, Christian Bidner? Petite histoire au milieu de la grosse, cette affaire de statuettes achetées à Drouot par Christine de Viejoncourt. Roland Dumas les avait choisies sur catalogue, il n'était pas en France le jour de la vente, elle les avait donc achetées aux enchères, dûment mandatées par Roland Dumas qui devait les payer. Mais Sirven, toujours Sirven, avait glissé à la belle une enveloppe de 300 000 francs, lui soufflant « ça fera un beau cadeau de Noël pour ton ministre ». Roland Dumas a donc reçu le présent. « Jamais une femme ne m'a fait un aussi beau cadeau », lui a-t-il dit, ravi. Il prétend qu'elle ne lui a jamais révélé que c'était Elf qui avait payé. Elle affirme le contraire. Roland Dumas soutient encore qu'il n'a pas été étonné de la valeur du cadeau, car elle avait un beau train de vie. D'ailleurs, c'était un échange de bons procédés. Lui-même lui avait offert un dessin de Picasso, un autre d'André Masson, une sculpture de valeur. Le Picasso de Viejoncourt l'a revendu 400 000 francs. « Mais vous savez, monsieur le procureur, conclut Roland Dumas, grand seigneur, on ne faisait pas les comptes. » Quant aux statuettes antiques, en terre cuite, il n'en reste que deux. Quatre ont été brisées lors d'un voyage. Eh bien, bravo. Tout ça pour finir par péter les statuettes lors d'un voyage, c'est pas malin, ça. Elle a dû râler, Christine, que Roland lui casse son cadeau. Christine, si naïve et innocente. Christine, qui n'avait au début de l'affaire qu'une seule explication à donner à la justice. Savoir donner de tout son cœur pour le bonheur de partager. Donner pour le plaisir, tu parles. Christine, elle avait bien compris que le don appelle un contre-don et que cadeau et pouvoir font bon ménage. Les statuettes, à l'origine de l'affaire Dumas, ont donc été brisées pendant un voyage. C'est triste de casser ce qu'on vous a offert. Enfin, pas toujours. Il y a des cadeaux dont on aimerait bien se débarrasser, des cadeaux qui nous encombrent et que l'on aimerait bien balancer à la cave ou au fond du grenier. Quand tu es président, la cave ou le grenier, c'est un musée que tu inaugures en décembre 2000. À Saran, en Corrèze, le musée du président Jacques Chirac ouvrira ses portes demain au public. Le chef de l'État a inauguré ce matin ce musée du septennat où seront présentés tous les cadeaux que le président de la République a reçus au cours de ses voyages. 5000 objets divers, certains de grande valeur avec de l'or et des pierres précieuses, d'autres porteurs d'une grande valeur symbolique, comme par exemple le kimono avec lequel David Douillet est devenu champion olympique de judo. Jean-René Lavergne s'est livré à un petit inventaire. Des bottes de cow-boy offertes par Bill Clinton en passant par les pièces d'un jeu d'échecs en forme de personnage, le musée du président Jacques Chirac est une invitation au voyage à travers les continents. Ce musée abrite une exposition permanente très riche. La muséographie est complétée par une exposition temporaire dédiée au sport et aux sportifs français. Ainsi sont en bonne place le maillot de Zidane, des tuniques bariolées de champion cycliste et le kimono de David Douillet. Le champion français a donné quelques explications à Jacques Chirac sur le kimono exposé à Saran. Celui-là, c'est pas celui que tu avais à Sydney. Non, non, ça c'est celui de... Mais c'est le pantalon que tu avais à Sydney. Là, c'est le pantalon de Sydney, ça c'est les champions du monde au Japon, à Chiba, où je fais le doublé. Et où j'étais beaucoup plus maigre, surtout. Et maintenant, il a attaqué une nouvelle carrière au sumo. David Douillet comme sumo au Japon, il a de drôles d'idées, président Chirac. Reste que les cadeaux faits à tes présidents s'entassent. Président Mitterrand a lui aussi son musée cadeau à Château-Chinon. Giscard, lui, n'a pas de musée de son septennat. Ils sont où les cadeaux, hein? Dans les musées des présidents, tu trouves de tout. Un joli portrait de Mitterrand fait en aile de papillon, un tableau représentant Chirac en chauffeur de Jeep, comme sur la couverture de Tintin au Congo. Et puis, tu peux trouver aussi... Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Quand tu te balades dans les musées de tes présidents, tu te rends compte que c'est l'artisanat qui prime. De beaux cadeaux construits avec de la ficelle et du papier. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Les marionnettes, fabriquées et manipulées par Christophe en 1965, elles ont longtemps été le cadeau star des petites filles avant de disparaître au profit du monde merveilleux de Barbie. Alors, après avoir essayé de définir ce que peut être un cadeau, il est temps maintenant de nous attaquer à la grosse période qui s'ouvre à nous, à savoir Noël bien sûr, autrement dit à la fabuleuse farandole des cadeaux. Il te reste 3 semaines pour atteindre la douce nuit de Noël et nous avons décidé ce matin de t'offrir un petit guide pratique des trucs à éviter pour que tout se passe pour le mieux. Tout d'abord, il faut faire attention à certains détails. On ne peut pas offrir n'importe quoi à n'importe qui. Si tu aimes le Christ, par exemple, tu sais que nous sommes entrés depuis peu dans une période qu'on appelle l'Avent et qu'il existe des calendriers truffé de chocolat, pour patienter jusqu'à la messe de minuit. Eh bien, si tu offres un calendrier de l'Avent à un môme, assure-toi qu'il soit en bonne santé. Et oui, parce que ce n'est pas facile à ouvrir un calendrier, et puis surtout, c'est bien connu. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Toujours dans le registre des précautions, il faut prendre son temps pour choisir les cadeaux que tu veux offrir à Noël. Et les jours qui viennent doivent être mis à profit pour se renseigner sur les goûts et les envies de ton entourage. Parce que le 24 décembre, évidemment, il ne faut pas se tromper. Il faut être certain de faire réellement plaisir. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Non, Pardon. Voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas ? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui ? Ah ben, bien sûr. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravie, Thérèse. Je suis ravie. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, vous ne risquez pas de vous tromper. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Oui, pour faire plaisir, il faut créer la surprise. Tiens, par exemple, la tradition veut qu'on offre une orange à Noël. Alors, c'est sympa une orange, mais bon, c'est un peu classique. Non, sois fou et envoie valser les traditions, vois grand et remplace l'orange par, je sais pas moi. Des pommes, des poires et des soubédoubés. Pomme, poire, des scooby-dooby, ah, scooby Tout le monde réclame un écran plasma pour Noël ? Eh ben toi, tu offres des Scooby-Doo. C'est classe, non ? Ou alors, tu peux également choisir de joindre l'utile à l'agréable. C'est une idée qui marche toujours. Si tu sens que ta femme penche pour des diams, eh bien, dis-lui que c'est surfait et que tu as préféré lui offrir un cadeau minimaliste qui, bien sûr, lui fera plaisir, mais dont tu profiteras toi aussi et que tu pourras contempler, toucher même. Les colandimes présents, c'est classique tendre. Ces nouveaux collants opaques, sa gamme pastel, ses dimettes, ses mailles fantaisie, tout le printemps sur vos jambes. Oui, il arrive parfois qu'un cadeau sans prétention soit l'assurance d'un plaisir intense, d'un plaisir partagé. Pour les enfants, c'est la même chose. Pour Noël, il faut les surprendre et leur démontrer, par des cadeaux insolites, que l'amour que leur portent leurs parents ne réside pas dans le prix qu'ils ont mis, mais bien au contraire, dans l'inventivité et l'énergie qu'ils ont déployée pour faire plaisir à leurs chérubins. Pourquoi les papas et les mamans de France ne paieraient-ils pas à leur tour de leur personne ? Et n'exécuteraient-ils pas à leur tour de leurs propres mains quelques présents modestes et sans prétention, bien sûr, mais qui s'avéreraient tellement plus précieux au cœur de nos chers petits que ces poupées toutes faites ou ces trains électriques sophistiqués et glacés que notre sécheresse de cœur nous pousse à leur jeter négligemment dans les bras après un baiser furtif. Allons, c'est promis, je vais vous en donner, moi, mes chéris, des jolis cadeaux faits à la main. Je vais vous en fabriquer, moi, des schtroumpfs pas chers. Avec deux boulettes de mie de pain et quatre allumettes pour les pattes. Je vais vous en structurer, moi, des vaisseaux spatiaux en cageot de patates. Avec du papier cul pour la combinaison anti-Tchernobyl. Et une punaise retournée pour le siège éjectable. Je vais vous en bidouiller, moi, des vélos cross sans selle, vraiment tape-cul. Avec deux couvercles de bidon de dioxine pour les roues et un os de gigot pour le guidon. Certes, il faut savoir renoncer à la tyrannie des jouets à la mode, mais il ne faut pas non plus priver l'enfant de la magie de Noël. C'est si beau. Il faut pour cela lui faire rencontrer le meilleur Père Noël possible, celui qui aime vraiment les enfants et qui donne de sa personne le samedi après-midi pour le plus grand plaisir de tous. Bonjour les enfants. Bienvenue. Bienvenue à l'Élysée. Ma femme et moi sommes heureux de vous accueillir. Nous allons voir la chorale des chérubins de Sarcelles. Ensuite, les danseurs de Vagabond Crew, puis Laurie et enfin la troupe des 10 commandements. Après, nous irons goûter et pendant le goûter, il y aura les cadeaux. Qui l'eût cru ? En réalité, président Chirac, c'est le Père Noël. Alors, pour compléter notre regard sur le plaisir d'offrir, nous avons joint cette semaine au téléphone l'arbitre des élégances, celle qui sait ce qu'on doit faire ou ne pas faire, la baronne Nadine de Rothschild. Pour commencer, nous lui avons demandé si elle aussi avait beaucoup de cadeaux à faire cette année pour Noël. Réponse de ce cadeau VIP juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Écoutez, moi j'ai beaucoup de cadeaux à faire parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans nos sociétés, donc je dois à peu près en moyenne faire au moins 250 cadeaux par an. Oh là là. Oui. Alors j'ai des listes, bien entendu, des listes où je ne dois pas renouveler le même cadeau que l'année d'avant. Et oui. Mais j'aime beaucoup faire des cadeaux, oui. Et ces cadeaux, en général, c'est quoi comme cadeau vous offrez ? Oh ben, ça dépend de l'amitié, ça dépend de la proximité. Bon, ben, il est certain que les femmes qui travaillent très près de moi, je parle de mes collaboratrices, ont bien entendu des cadeaux beaucoup plus importants que la dame qui travaille au téléphone, si vous voulez, au standard du téléphone, ce qui est normal. Mais ça n'est pas pour ça que je n'en ai pas autant besoin que les autres. Bien voyez sûr, bien sûr. Mais ça fait partie. C'est cela, voilà. Et est-ce que vous avez déjà le souvenir d'avoir déjà offert un cadeau qui ne convenait pas ? Bah, écoutez, on ne me l'a jamais dit si on l'a changé, hein, mais sûrement, sans aucun doute. Et d'ailleurs, est-ce que ça se fait d'aller changer un cadeau? Ça vous est déjà arrivé, vous, d'aller changer un cadeau qui ne vous convenait pas et... Non, moi, je garde tout. Moi, je garde tout parce que, d'une part, j'ai trop peur qu'on vienne dire « Ah, Madame de Rothschild est venue changer le cadeau ». Ah oui. Et puis, c'est un geste, si vous voulez, tellement gentil. Non, ça, je ne le fais pas. Et alors, si je devais vous offrir un cadeau pour Noël, Nadine de Rothschild, oui. Qu'est-ce que je devrais acheter pour vous faire plaisir? Ah, surtout pas la Bible, hein, parce que je ne suis pas Mère Teresa, ça je vous le dis tout de suite. D'accord, mais alors quoi d'autre? Mais encore. Écoutez, d'abord je ne vous connais pas, j'essaie d'imaginer si vous êtes un monsieur ayant passé 40 ans ou si vous êtes pas toujours... Encore. Pas encore, donc vous êtes un jeune, vous êtes en couche-culotte alors. Pas loin. Pas loin. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas, moi vous pourriez m'envoyer un bouquet rond de fleurs blanches, je serais ravie. Vous seriez contente, vous Absolument. Seriez heureuse. Bon, eh bien, écoutez, très bien. Pour finir, j'ai une liste de cadeaux que je pourrais offrir à une femme, qui sont un peu des clichés. Mmh. Et j'aimerais que vous réagissiez, que vous me dites ce que vous en pensez. Un aspirateur. Très utile, mais le dernier modèle. Ah, le dernier modèle. Oui. Un lifting. Ah, sûrement pas, alors. Non, je ne suis pas du tout pour que les femmes... On pas, surtout pas un homme, ça c'est la pire des insultes. Hein. Mmh. Je ne sais pas, offrez-lui un litre de Botox, peut-être. D'accord. Les œuvres complètes du Marquis de Sade. Ah, ça, je suis preneur. Ah bon? Oui, non, c'est très intéressant. Et je trouve que beaucoup de femmes devraient les lire, devraient lire ses œuvres, oui. D'accord. Et pour finir, une soirée avec moi? Ben écoutez, je sais pas, après les fleurs, je verrai. Laissez-moi fantasmer sur le petit bouquet, d'abord. D'accord, hein? Très bien. C'était Nadine de Rothschild. Pour la panique, on mange un palace. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means we'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. The scent of wild jasmine. The room seemed to freeze in time. My regular table will be just fine. Radiant and elegant you might be, but your concentration is so golightly. Both of your eyes reflecting the moon. They think you own the room. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Back it up, I'm reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of the discontent? Now, sit at the table face to face. Queen takes pawn, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. Have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. You win the battle, but I win the war. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Get Your Way, chanson jazzy et funky, interprétée par Jamie Cullum, jeune star britannique, qui te propose de suivre ton chemin parce que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'autre, c'est d'être soi. Alors, pour continuer notre voyage dans l'univers joyeux du plaisir d'offrir, nous nous sommes renseignés cette semaine pour savoir d'une part quels sont les cadeaux qu'a reçus président Chirac pour son anniversaire mardi dernier et d'autre part quelles sont les idées cadeaux de certains leaders politiques. Tout d'abord donc, mardi dernier, 29 novembre, on célébrait les 73 ans de président Chirac. Selon nos sources, la soirée s'est déroulée en deux temps. Un apéritif privé, dans les salons du palais, en compagnie des membres de la majorité, puis un dîner plus intime avec son épouse Bernadette. Vers 20h, hilar, au milieu de ses invités réunis, président Chirac, tel un enfant au pied du sapin, découvre une farandole de cadeaux. Outre les fûts de bière mexicaines et les autres statuettes d'art premier, certains invités ont cherché à se démarquer auprès du maître de maison. Nicolas Sarkozy, lui, très fier de sa trouvaille, s'approche de Jacques avec un large sourire et lui tend son paquet. Jacques, très sensible au geste de Nicolas et surtout impatient, lui demande de quoi il s'agit. Nicolas ne se fait pas prier et lui répond. Un vieux complet de vieille savate, avec quoi on ne peut plus draguer, un col roulé comme une cravate, un vieux pardingue pour se nicher. La soirée commence donc très mal, puisque Nicolas se fait virer sous les huées traditionnelles de l'assemblée chiracienne. Tu n'as pas changé, tu n'es qu'un traître, va dîner chez Balladur. Mais bon, heureusement pour président Chirac, il y avait aussi mardi soir, parmi ses invités, des amis sincères. Le plus fidèle d'entre eux, le lieutenant Juppé, avait même, paraît-il, fait le déplacement depuis sa province québécoise pour offrir à Jacques ce qu'il possède aujourd'hui de plus précieux, un truc dont tout le monde rêve. Ma cabane au Canada et blottis au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Cela dit, président Chirac semble tout à coup mitigé quant à l'intérêt réel d'avoir une cabane au Canada. Le vieux lion n'est pas fou. Ce cadeau à double tranchant ressemble à une porte de sortie un peu terne. C'est alors que Jacques se tourne vers Dominique, son fidèle Premier ministre, pour savoir jusqu'où Villepin peut aller dans la surenchère. Alors, et toi Dominique Crac-Crac, que m'offres-tu pour mon anniversaire ? La Californie se dort près de la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière. Évidemment, avec Villepin le Californien, c'est tout de suite le panache, le cadeau qui déchire. Hollywood, Malibu, les starlettes, la Californie, c'est quand même mieux que les caribous. Président Chirac est heureux de la confiance qu'il a placée en Dominique. Du coup, vers 21h30, Jacques retrouve le sourire, il est fier comme un pape. Finalement, cet apéritif se termine mieux qu'il n'a commencé. Une fois les invités partis, le couple Chirac s'installe donc pour dîner seul, en tête-à-tête, à l'Élysée. Jacques est inquiet. Bernadette lui a promis une surprise pour la fin du repas, un cadeau d'anniversaire qu'elle a beaucoup préparé sur les conseils de Laurie et de Kamel Wally et qui ne peut avoir lieu qu'au dessert. Une fois le vacherin englouti, Bernadette tamise l'ambiance et offre son cadeau à Jacques. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Président Chirac est bouleversé. Il ne sait plus quoi faire et réclame un café pour retrouver ses esprits. Mais le café lui fait un drôle d'effet. Il sent la sève monter et questionne alors Bernadette. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose d'étrangement poussé. Bien entendu, nous ne te dévoilerons pas ce qui s'est passé par la suite. Nous laissons courir ton imagination. Quittons maintenant au président Chirac pour élargir notre exploration et essayer de savoir quels sont les cadeaux que certains autres leaders politiques ont l'intention d'offrir pour les fêtes de Noël à leurs collègues. Nos enquêteurs ont tout d'abord découvert ce qu'au PS, au pied du sapin, François Hollande souhaitait offrir à Laurent Fabius. C'est une Laurent Fabius, lui, qui n'est plus à une synthèse près, a préféré devancer Noël et, à son retour du Mans, a offert des bonbons à Marie-Georges Buffet. Dans l'espoir, bien sûr, d'entretenir une base de relations cordiales avec le Parti communiste, on ne sait jamais. Mais, visiblement, il s'est pris une veste, Lolo. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Blessé par cet affront que lui a infligé Marie-Georges, Laurent Fabius, désormais démuni et désemparé, a choisi cette semaine d'enfoncer le clou de la synthèse et d'aller offrir tout ce qui lui reste, le pauvre, au secrétaire général du Parti Socialiste, dans un élan d'une rare générosité. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts. Nous verrons bien combien de temps ce joli cadeau va durer. Cela dit, dans un éclair de lucidité, il ne faut jamais oublier qu'en politique, on ne se fait jamais de cadeau, c'est chacun pour soi, point barre. Du coup, c'est assez pratique, il n'est jamais nécessaire de dire merci. Thank You, chanté par Dido dans l'album No Angel en 1999. Thank You parce que quand on t'offre un cadeau, il faut toujours dire merci. Alors pour poursuivre notre exploration de l'univers des cadeaux, après nous être amusés à imaginer les cadeaux que pourraient se faire nos politiques, il est temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux généreux héros, les incroyables Monique et Jean-Claude. Hier après-midi, Monique et Jean-Claude ont vécu une préparation de Noël quelque peu perturbée, que nous allons nous faire un plaisir de te raconter. Tout a commencé en fin de matinée, alors que Monique s'arrachait les cheveux en composant la liste des cadeaux à faire à ses proches. Elle n'a pas trop d'idées, Monique, alors le mieux, c'est d'aller à l'évidence. Pour toi le marin, un peu d'eau. Pour toi ma mère, une pervenche. Pour toi le soldat, Monique est en pleine recherche de cadeaux pour ses proches quand elle se prend à rêver en regardant le supplément spécial Noël de son magazine favori. Et elle, que va-t-elle recevoir du Père Noël cette année ? Elle s'approche doucement de son Jean-Claude et lui fait part de ses désirs. Je rêverais qu'on m'a donné des tas de cadeaux, des tas de cadeaux, des tas de cadeaux, des tas de cadeaux. Une soupière, un pyjama, des crayons de couleur, un Spoutnik. Des tas de cadeaux, des tas de cadeaux, des tas de cadeaux, des tas de cadeaux. Monique veut donc des tas de cadeaux. Jean-Claude décide de la calmer tout de suite. Il vient d'investir toutes les économies du couple dans des actions EDF et cette année à Noël, ce ne sera donc pas une orgie de cadeaux. Je suis fauché, voilà ce que c'est que d'être un défauché. Je n'ai, je vous le dis, plus un radis, plus un pélo, plus un maravédi. Quoi ? Jean-Claude est fauché ? Monique ne veut pas croire ça. Elle sait que Jean-Claude est plutôt radin et elle sait surtout comment lui faire cracher son oseille en employant la jalousie. Et elle n'hésite pas, Monique, elle connaît les mots qui font mal. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Quand il entend Monique lui dire que d'autres hommes peuvent la combler, Jean-Claude s'énerve. Son machisme naturel prend le dessus, il décide d'épater Monique. Je vais t'acheter des bagues et des tas de bijoux, des trucs en toque et des topazes, des perles et des cailloux. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Tu auras des toilettes, des dessus, des dessous, quatre jaguars, une bicyclette avec la pompe et les deux roues. Et je t'y donnerai en guise d'étreinte le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vienne pas passer moi. Oui, Jean-Claude est prêt à tout donner à sa Monique. Le seul souci, c'est qu'il n'a vraiment plus un rond et que s'il veut trouver un cadeau sympa, il lui faut un petit boulot en complément. Alors le Jean-Claude a une idée de génie, faire le Père Noël devant les grands magasins. Jean-Claude explique son idée à Monique. Elle prendra des photos de lui, déguisé en Père Noël avec des mômes sur ses genoux. Le rideau rouge du salon pour le manteau, un paquet de coton pour la barbe et hop, les voilà devant les vitrines de Noël. Ah, les vitrines des grands magasins à Noël. Monique n'en revient pas de tous ces personnages animés, de ces animaux automates. Elle a d'ailleurs trouvé son cadeau de Noël. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Qui penche la tête en frétillant. Jean-Claude est heureux avec son nouveau job de Père Noël. Il va pouvoir payer son cadeau à Monique. Installés sur le trottoir, Monique et Jean-Claude réussissent assez bien à attirer les marmots. Les gamins, plus ou moins morveux, s'assoit sur les genoux du Jean-Claude sous le regard niais des parents ébahis. C'est ça aussi, la magie de Noël. Monique est déguisée en lutin et Polaroid en main prend des photos plus ou moins cadrées. Jean-Claude, lui, est épuisé de poser toujours les mêmes questions. « Est-ce que tu as été sage ? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte, le Père Noël ? Ce qui l'insupporte le plus, c'est d'entendre la niaiserie des réponses. « Des cadeaux pour tous les Noëls, des jouets. » Partout dans le ciel, les enfants ferment les yeux pour rêver. On est tous là pour s'amuser. Oui, bien sûr, on est tous là pour s'amuser. Sauf que lui, Jean-Claude, il bosse. De toute façon, Jean-Claude, il a bien compris ce que voulaient les enfants. Ils demandent tous la même chose, ils veulent une PlayStation. Les gamins défilent sur ses genoux et Jean-Claude, quand il entend les mômes, il devient cynique. Oui, c'est moi, mes enfants. Mais comme vous le dites si bien, vous n'aurez que dalle pour Noël. Ouais, Jean-Claude n'en peut vraiment plus d'avoir des mômes sur ses genoux. La magie de Noël, ça commence à le gonfler grave. Surtout que voyant la qualité des photos, les gamins se foutent de lui. Oh là là, ta barbe, c'est même pas une vraie, ton manteau il pue et l'appareil photo, c'est même pas un numérique, la loose. Les mômes s'agglutinent autour de lui, Jean-Claude s'énerve. Je suis colère, les enfants, je suis colère! Un morveux plus audacieux que les autres tire sur la barbe, la fausse barbe du Jean-Claude, qui s'énerve. Mais il se prend pour qui ce petit con-là? Je vais lui apprendre la politesse, moi. Le môme se met à pleurer et le père applique. Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. La zone n'est plus sûre, les parents et les enfants regardent cet étrange père Noël de travers. Jean-Claude, un brin trouillard, décide alors de plier boutique. Quand Jean-Claude, encore déguisé en Père Noël et Monique en lutin, regagne leur voiture, une contractuelle est en train de les verbaliser. Évidemment, Jean-Claude n'avait pas mis de pièces dans le rodateur et s'était contenté de glisser derrière le pare-brise un papier où il avait inscrit « voiture du Père Noël ». Jean-Claude tente alors de jouer au malin et d'amadouer la pervenche. Il reste convaincu que le mieux, c'est de continuer de faire le Père Noël. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Petite fille de ma rue, Monique pouffe de rire, il est trop con ce Jean-Claude. La pervenche, elle, ne rit pas du tout et demande leur papier aux deux pignoufs. Jean-Claude donne une fausse identité. Dans une autre vie, Monique... C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. La contractuelle est bien gentille, mais elle ne va pas laisser un Gus déguisé en Père Noël se payer sa tête. Elle demande à Jean-Claude de monter immédiatement dans sa voiture et de s'en aller. Fin de l'histoire, Jean-Claude, lui, n'a vraiment aucun regret de partir. Oh mon amour, je n'ai aucun regret de partir, non mais vraiment, je n'ai pas le cœur à m'étendre sur de jolies choses passées, en ta compagnie sur de jolies choses passées. Usé pour la vie, on n'a pas su recolorier le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur, assombrée dans le gris, assombrie mon cœur, ne bat plus la cadence des jours heureux. Passé en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol, atterré, atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble. De partir, non mais vraiment, je n'ai pas le cœur à entreprendre de jolies choses, et seul, sans ta compagnie, de jolies choses passées se cognent à ma vie, je n'ai pas su effacer le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur, semble indélébile, assaillit mon cœur, ne bat plus la cadence des jours heureux, passés en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol, atterré, atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble. L'indécision, chanson interprétée par Da Silva sur son album Décembre en été, parce qu'en décembre justement, dans le choix des cadeaux, c'est souvent l'indécision. Nous voici donc arrivés au terme de ce voyage au cœur de la galaxie des cadeaux. Des diamants de Bokassa à la serpillière de Thérèse, des vitrines de Noël à l'anniversaire de Président Chirac, de Jean-Claude en Père Noël à Nadine en Rothschild, nous t'avons dressé un panorama du plaisir d'offrir. Et maintenant, pour terminer, nous avons un scoop. La panique au Mangin Palace a intercepté des lettres en loose dé écrites par nos hommes politiques au Père Noël cette année. La première est une belle lettre. L'écriture est ronde, l'encre est rose, elle est signée François Hollande. Le petit François demande au Papa Noël de mettre dans ses souliers enfin un vrai programme pour la gauche. Pour la deuxième lettre, postée de Neuilly, cette fois-ci l'écriture est plus hargneuse. Le petit Nicolas dit au Père Noël qu'il a été sage toute l'année, que lui, c'est pas une racaille. Nicolas demande un cadeau étrange, un dictionnaire des mots en R, parce qu'il est un peu à court d'idées. Nicolas a déjà utilisé Karcher, Charter, Sécuritaire, et qu'il lui en faut d'autres pour tenir jusqu'en 2007. La troisième lettre est envoyée par ton premier ministre. Le style est en poulet. C'est une poésie. Amène-moi, Père Noël, dans ta hotte de jonc et place dans mes souliers, ici à Matignon, le plus précieux présent qui puisse venir du ciel, divine élection, suffrage universel. Joli poème, mais pourquoi demander cela au Père Noël? Il faut simplement conseiller à président Chirac de dissoudre. La quatrième et dernière lettre nous arrive directement de l'île de Ré. Un certain Lionel demande instamment au Père Noël que le mot « définitivement » soit retiré de la langue française et remplacé par l'expression « jusqu'en 2007 ». Toutes ces belles demandes risquent pourtant d'attendre un bon bout de temps avant d'aboutir, parce qu'on a une autre info. Eh oui, le Père Noël, on te l'a dit, c'est président Chirac, mais le problème c'est que… Le Père Noël a disparu de la circulation, pour les enfants c'est une tuile. On ne l'a pas revu depuis le dernier réveillon. On a fouillé toute la ville. C'est certainement le diable qui a dû le kidnapper pour demander une rançon aux fabricants de jouets. Le Père Noël a disparu de la circulation et tous les enfants sont marrons. Père Noël, où es-tu? Si tu ne reviens pas, tout le monde est fichu. Père Noël, où es-tu? As-tu l'idée d'avoir disparu? Le Père Noël a disparu, il faut le retrouver. On va fouiller toute la France. On cherchera partout, depuis Dijon jusqu'à Roubaix, de la Bretagne à la Provence. Si jamais c'est vraiment le diable qui l'a kidnappé, on descendra jusqu'en enfer, mais faut le retrouver. Le Père Noël a disparu, on le retrouvera. On ne nous aura... C'est Carlos qui s'inquiète que le Père Noël ait disparu. Voilà, fin du 13e épisode. C'était « C'est quoi un cadeau ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique qui sera consacrée aux métropolitains. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux qui s'occupe du cadran avec Marco et qui font très bien leur boulot. Dites bonjour à la France Inter, Xavier Mauduit. Bonjour Philippe Collin, bonjour la France Inter. Voilà, c'est parfait. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui d'Arnaud Caillé et de Julien Dumont, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, merci beaucoup Amel. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maud Lobnitz et Caroline Chausset, documentaliste à Lina Mangin. Merci aussi beaucoup à Catherine Pinto, jeune stagiaire très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.